Paris. La peste brune ne se cache plus, elle est partout, même dans la rue. Il récupère tous les drapeaux, lève le bras comme en 39. Des gueules pour un ordre nouveau, ils font du vieux avec du neuf. Où sont les villes de notre enfance? Chez les Bretons, les Occitans. Faut-il crever d'indifférence sous la botte noire du fascisant? Vitrolles, Toulon, c'est la gangrène, c'est comme une ombre sur les villes. Des gens victimes de la haine se couchent comme des chiens dociles. La France est un pays barbare à la mémoire sélective. C'est une milice vêtue de noir, c'est un pays à la dérive. Où sont les villes de notre enfance? Chez les Bretons, les Occitans. Faut-il crever d'indifférence sous la botte noire du fascisant? Il n'est pas mort dans son bunker, la boîte à con le promotionne. Il nous prépare sa drôle de guerre, en attendant il sélectionne. La bête immonde a accouché d'un avatar, un royaliste. Du côté de notre Vendée, comme son maître, il est fasciste. Où sont les villes de notre enfance? Chez les Bretons, les Occitans. Faut-il crever d'indifférence sous la botte noire du fascisant? Flics et curés demandent pardon aux juifs qu'ils ont assassinés. Tu parles d'une secte à la con, ils sont tout prêts à recommencer. Je devrais chanter de la variété, de la complainte pour trou du cul, pour ne pas être fusillé par les fachos, par les faux culs. Où sont les villes de notre enfance? Chez les Bretons, les Occitans. Faut-il crever d'indifférence sous la botte noire du fascisant? Flics et curés demandent pardon aux juifs qui sont assassinés. Tu parles d'une secte à la con, ils sont tout prêts à recommencer. La France est un pays barbare à la mémoire sélective. C'est une milice vêtue de noir, c'est un pays à la dérive. Où sont les villes de notre enfance? Chez les Bretons, les Occitans. Faut-il crever d'indifférence sous la botte noire du fascisant?